Le mousquetaire enlevé par Alfred des Essarts. Chapitre 1er. L'hiver de 1771 allait appeler les Parisiens aux fêtes mondaines, et Versailles, où régnait dans tout son éclat la comtesse du Barry, apprêtait ses bals, ses réceptions, ses concerts, lorsqu'un matin, une nouvelle imprévue, étrange, inexplicable, se répandit avec la rapidité de la foudre et fit le tour de toutes les ruelles. Le vicomte Enguerrand de Beauvilliers, capitaine aux mousquetaires noirs, avait disparu. Ses amis, et ils étaient nombreux, les femmes de qualité auxquelles il plaisait par la vivacité de son esprit, par la noblesse de sa tournure, par la distinction de ses manières, se mirent naturellement en quête du vicomte. Les événements les plus considérables de ces dernières années, à savoir la présentation de la favorite, à savoir la guerre faite au Parlement par le chancelier de Maupeou, et la ligue formée par les ducs contre le ministère Choiseul, n'avait pas produit une plus forte rumeur. « Que deviendrons-nous ? » s'écriaient surtout les belles désœuvrées. « Si nous n'avons plus notre vicomte, qui a tout l'esprit de M. de Trême et de M. d'Ayen, sans avoir leur méchanceté, qui fait d'aussi jolies chansons que Collet et Voisenon, danse comme Vestris, chante comme Chassé, notre vicomte, l'ordonnateur de nos fêtes, de nos soupers, de nos comédies entre paravents, notre vicomte, qui avait le privilège d'amener quelquefois le sourire sur les lèvres de sa très haute et très ennuyée majesté Louis XV. » La désolation était universelle. Plus d'un coureur fit à ce sujet la route de Versailles à Paris, et réciproquement. Cependant, rien n'avait éclairci le mystère. Le champ des conjectures allait s'élargissant. Aucun indice ne venait calmer les imaginations inquiètes. Monsieur le duc de La Vrillière, le puissant dispensateur des lettres de cachet, était demeuré impénétrable. Peut-être même ne savait-il rien, du moins n'avait-il rien voulu répondre aux questions dont l'avait accablé la maréchale de Mirepoix, la comtesse de Tavannes, la marquise de Valbel et surtout la duchesse de Beauvilliers, tante du vicomte, partant la plus intéressée à connaître la vérité. L'éternel secret du masque de fer ne fut certainement pas mieux gardé. En résumé, on s'agita beaucoup, on parla beaucoup, quelques larmes furtives furent versées, puis, ce moment de première émotion passé, tout fut dit et le pauvre vicomte se trouva parfaitement oublié.